Le porte-parole de la direction nord du Comité national d'enquête spéciale pour l'éclaircissement des dessous des crimes des troupiers américains a lancé le 9 une communication. En voici le résumé. Le 9 février marque les 50 ans de la mise en service de l'accord d'administration sud-coréen américain signé par le traître Park Chung-hee, dictateur rénové tristement célèbre avec les Américains. En fait, cet accord a légitimé l'occupation de la Corée du Sud par les GIs, leur a attribué le privilège illimité sur tous les plans, comme le jugement en matière criminelle, l'usage des terres et installations, les fiscalités et l'administration de sortie et entrée, tout en tolérant des crimes barbares des troupiers d'occupation. En effet, l'accord d'administration sud-coréen américain est une convention traîtresse jamais vue dans l'histoire et un dossier d'esclavage version moderne. À présent, le monde connaît nombre de pays et régions où sont présents les troupiers américains et il y a des accords relatifs à leur stationnement, mais seuls en Corée du Sud, les militaires américains s'y installent à leur gré et utilisent à leur souhait des terres et installations sans se laisser punir, bien qu'ils aient commis des crimes et des actes illégaux. Cet accord d'administration de nature humiliante a permis aux GIs de jouir du privilège illimité en Corée du Sud, de se conduire comme dominateurs omnipotents et d'imposer à la population des malheurs, souffrances, catastrophes et hontes insupportables. De surcroît, les Américains ont introduit ouvertement en Corée du Sud même les armes biochimiques comme le bacille de charbon actif et le virus Zika pour livrer sans vergogne même des expérimentations de guerre bactériologique anti-humaine afin d'exterminer toute la nation coréenne. Malgré tout cela, les autorités sud-coréennes quémandent la présence éternelle des GIs en Corée du Sud tout en payant des impôts exorbitants et cherchent à disposer en cette année à tout prix SAD de nature agressive. Chose plus insupportable, c'est que les États-Unis, sans se contenter de cet accord d'administration, contraignent la Corée du Sud à conclure un accord multipartite sur la position des armées stationnaires avec 9 pays relevant du commandement de l'armée onusienne. Toute la population sud-coréenne est invitée à s'engager pour annuler tout de suite tous les accords et conventions inégaux comme l'accord d'administration, chasser de la Corée du Sud les troupiers américains et enterrer la bande des traîtres à la nation pro-américaine.